Merci Serge. Et on va écouter un autre Serge maintenant, qui est donc Serge Bromberg. Qui, alors, il n'a pas pu venir ici parce qu'il prend quelques vacances avant le festival et il a bien raison. Et donc, je suis allé rencontrer Serge Bromberg dans sa société Lobster Film il y a de ça 2 jours et j'enregistrerai une interview avec lui. Donc, c'est ce que je vous propose d'écouter maintenant avant de retrouver Annabelle. Juste un petit quelque chose, je suis surpris d'entendre le nom de Maximoff, puisque c'est quelqu'un qui a fait quelques courts-métrages très très adultes, hein, oui. Auparavant, avec des œuvres très personnelles. C'est l'aspect financier, je veux dire. Oui, bien sûr. Pas, il sait aussi être convaincant de ce côté-là. Mais il a déjà beaucoup de talent. Oui. On écoute Serge Bromberg, donc. Serge Bromberg, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à l'Observe Film. J'avais une question, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, bon, vous avez une activité permanente avec cette société, l'Observe Film, que vous avez créée il y a 20 ans, qui est le fruit de votre première passion, celle de collectionneur de films, donc collection de films à restaurer, à diffuser, production d'émissions de télévision, je suppose que ça vous occupe beaucoup. Et vous avez accepté donc en 1999 de devenir directeur artistique du Festival d'Annecy, qui est un travail quand même assez lourd. Ouais. Ça fait donc maintenant 7 ans que vous êtes directeur artistique. Mm-hmm. Alors pourquoi avoir accepté de devenir directeur de ce festival avec la charge que ça représente et pourquoi continuer encore 7 ans après? Pourquoi avoir accepté? Parce que d'abord c'est un honneur qui m'a été fait lorsque Tiziana Loski et Dominique Puteau ont pensé à moi. Après la disparition de mon prédécesseur Jean-Luc Xibéras, c'est vrai que lorsqu'ils sont venus me voir, je leur ai dit que c'était a priori hors de question parce que ma charge de travail ne me le permettait pas. Et puis ils ont insisté en essayant d'être convaincants et d'utiliser comme argument massue le fait que ce qu'ils attendaient de moi était plus une implication au niveau décisionnel, sachant que derrière il y avait une équipe permanente et qui donc pourrait, d'Annecy, prendre en charge la totalité des opérations, disons, d'intendance, enfin pas vraiment d'intendance, mais enfin, matériel, quoi, tout ce qui était le suivi des affaires et des décisions prises à la direction du festival. J'ai accepté, j'étais passionné par l'animation parce que, vous savez, restaurer des bobines, retrouver des bobines, ça n'a de sens que si on aime le cinéma et qu'on aime les montrer. J'adore le film d'animation, donc quelque part, je pensais être la bonne personne et je me disais qu'il s'agissait d'un contrat de quelques années. Et d'ailleurs, le contrat tel qu'il avait été signé était un contrat pour 3 ans. Pourquoi les choses durent? Pourquoi probablement parce que je suis toujours aussi passionné par l'animation et que l'aventure d'un festival de l'importance et de l'ambition de celui d'Annecy est une aventure unique au monde. En présider les destinées est quelque chose de tout à fait patafiolant. Et je crois que les gens d'Annecy ne se sont pas encore fatigués de moi. Donc c'est, vous, pas ça tombe bien. Ah non, moi jamais. Non, moi, me fatiguer des gens, c'est... Moi, j'aime les gens. Faut pas m'en vouloir. Ce que j'aime dans le cinéma, c'est le fait de partager des images. Ce que j'aime dans une entreprise, c'est le fait de partager des projets avec des gens. Moi, j'aime les gens. Voilà, c'est comme ça. Quand je suis tout seul, je m'ennuie. J'aime bien faire des choses. Soit en étant le maître d'œuvre et donc le responsable principal, comme le directeur de ceci ou de cela. Soit en étant simplement un bénévole, comme je le suis dans de très nombreuses associations. Je suis quelqu'un qui adore... rencontrer d'autres gens sur des grandes voies, des grandes directions lointaines liées au cinéma ou non d'ailleurs, puisque j'ai d'autres activités dans d'autres associations qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Quelqu'un de très actif par nature. Oui, voilà, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Alors, en vous engageant dans le Festival d'Annecy, je suppose que vous aviez des idées sur des impulsions à donner au festival, peut-être des envies vous aviez, est-ce que vous avez réussi à concrétiser ça? Je ne sais pas, c'est pas vraiment à moi de dire si j'ai réussi ou si j'ai pas réussi. Quelque chose me laisse penser que le Festival d'Annecy en ces 5 ou 6 dernières années a beaucoup changé, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors est-ce que c'est pour le bien ou pour le moins bien? Ça, c'est aux gens d'en décider. Lorsque j'en ai parlé avec Dominique et Tiziana, j'avais évoqué avec eux une politique d'ouverture à d'autres genres d'animation, y compris l'animation plus industrielle, mais aussi d'autres manières, d'autres espaces d'expression, la rénovation du dialogue entre les réalisateurs, les auteurs et le public qui n'avaient pas de lieu de rencontre, rencontrer des hommes. On se retrouve encore une fois dans cette politique de rencontre. Et puis, je voulais que le Festival d'Annecy soit au service des œuvres et des auteurs et non plus au service d'un discours. Il me semblait que, au départ, historiquement, dans les années 60, et à l'époque, ce discours était extrêmement légitime, il y avait une sorte de d'action-réaction et que le discours porté par le Festival d'Annecy était celui de la valorisation d'un certain type d'animation, parce que tous les autres types de cinématographie et d'animation avaient tendance à écraser les minorités, à écraser une animation plus artistique, plus esthétique, plus exigeante, plus individuelle, plus hors norme, enfin bref, tout ce que j'aime dans l'animation. Disons les choses. Mais ce n'est pas parce que on aime le sucré qu'il faut interdire aux gens d'avoir du salé, ou inversement. Et je pense que la tendance qui avait déjà été amorcée par mon prédécesseur en ouvrant, en institutionnalisant le marché, en faisant des choses comme ça, était d'ouvrir la voie vers un Annecy rénové qui serait le lieu de rencontre, d'espace, de discussion de toutes les animations. C'est-à-dire les animations qui aujourd'hui marchent mais qui peut-être demain ne marcheront plus, et les animations qui aujourd'hui ne marchent pas, mais qui peut-être demain marcheront, bref, avoir évidemment le regard dans le rétroviseur. Je suis quelqu'un qui vient du patrimoine, et je crois que on fait énormément en matière de patrimoine, mais penser à ce qu'est l'animation aujourd'hui, vraiment, un marché, un secteur d'activité qui fait vivre des gens, qui dynamise tout un secteur économique, et puis évidemment prévoir, s'adapter, et avoir une approche un peu visionnaire de ce que pourrait être l'animation demain. D'ailleurs, sera-t-elle encore ce que les anciens appelaient de l'animation ? Voilà un vaste programme, comme vous le voyez. C'est difficile de parler de ces deux choses, parce que les deux termes, tous deux, deux regroupements complètement différents. Donc si on parle du cinéma d'animation d'auteur et du cinéma expérimental, là on commence à parler de la même chose. Disons, cinéma d'animation d'auteur, travaillant seul dans leur coin avec des petits moyens. Voilà, puis là c'est un gros mot, mais au moins on parle de la même chose. Parce que cinéma d'animation c'est un peu large, quoi. Voilà. De brasser large, en fait, de montrer un panel très très large de l'animation, être une véritable vitrine de l'animation dans toutes ses composantes, dans tous ses genres. Pas vraiment une vitrine, parce que une vitrine, ça reviendrait à dire que tout ce qu'on nous propose, on le montre. Et voilà, non. Je pense que Annecy a un vrai discours aussi, a fait des vrais choix. Mais par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que nous existons par les choix que nous faisons, mais la parole donnée, elle est donnée aux films et aux auteurs. C'est vraiment les films qui font le festival. Je vois aujourd'hui ce qu'est Cannes, ce qui est devenu Cannes. Quelque part, on est plus dans le Ici Paris et le Paris Match que dans les cahiers du cinéma. Ce qui compte, c'est Sophie Marceau qui perd son soutien-gorge. C'est ça qui compte. Et en fait, c'est la présence des acteurs qui fait ça aussi beaucoup. Oui, sûrement c'est la présence des acteurs, mais à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe ? On passe des films, et puis deux minutes plus tard, ils n'existent plus, et puis il y a un critique qui ose une critique, mais de toute façon, le train a été tel que... Voilà, bon, Annecy, c'est pas ça. Mmh. Annecy, c'est choisir de ne montrer que 4 programmes au lieu de 5, parce que on estime qu'il y en a... Il y a pas assez d'œuvres intéressantes, ou enfin c'est des choix, c'est le fait d'aller vers telle ou telle de cinématographie, de montrer combien dans les pays d'Asie, il y a en Corée, au Japon, il y a des trucs absolument formidables qui se passent, mais que c'est pas en regardant le Japon ou la Corée en permanence qu'on montre ce qu'est l'animation. Il y a aussi l'Australie, il y a aussi la Tchécoslovaquie. Cette année on fait le Canada, qui est quand même qui est une grande constante en matière d'animation. C'est un voyage dans le monde de l'animation, mais c'est un voyage de glouton. Moi, je suis le voyageur, et quelque part, les paysages me sont donnés par les auteurs et par les films. Voilà ce qu'est véritablement le Festival d'Annecy. Le Festival d'Annecy, c'est des conférences, il n'y a plus de conférences de presse, il y a des rencontres avec les réalisateurs, il n'y a plus de... le marché, certes, il y a un marché, mais c'est surtout des rencontres pour les industriels avec leurs clients, pour les gros producteurs avec les élèves qui sortent des écoles, pour les publics avec les œuvres. Voilà. Et puis Annecy est devenue une telle référence maintenant qu'à la marge, il est vrai que certains gens disent « Oh, à Annecy, ils ont choisi ceci, ils ont choisi cela », c'est que ça doit vouloir dire quelque chose. Et si les gens disent que ça veut dire quelque chose, c'est probablement que ça veut dire quelque chose. Mais me demandez pas à moi, c'est les auteurs qui m'ont dicté ce genre d'orientation. Non mais forcément, quand le festival prend une telle importance, parce que l'importance du festival d'Annecy dans le monde de l'animation est considérable. Tout à fait. Forcément, on extrapole, je pense. Bien sûr. Mais alors, quels sont les partis pris, on va dire, les orientations du festival, peut-être que vous les représentez? On a évoqué le fait de découvrir comme ça des cinématographies, bien sûr, l'éclairage, bien sûr, laisser une place aux. Non, non, mais si vous voulez, la tradition à Annecy a toujours été de défendre les cinématographies, ou en tout cas de donner un éclairage aux cinématographies mineures et moins connues, moins reconnues en tout cas, pour permettre aux gens de les découvrir et de faire fructifier par le partage des œuvres et des idées. Donc de ce côté-là, évidemment, non seulement je n'ai pas abdiqué la direction initiale, mais je la revendique tout à fait pleinement. Cette année, nous allons passer des films russes, nous allons passer des films chinois, nous allons passer des films africains, nous allons passer des films du monde entier. C'est ça qui fait la noblesse d'Annecy. C'est ça qui fait la richesse de et le patrimoine. Ce qui fait aussi la richesse d'Annecy, c'est que, et c'est un effet d'attraction qu'on retrouve souvent en matière d'astronomie, les plus grosses planètes attirent, exercent une force d'attraction par leur masse. Et c'est vrai que le festival d'Annecy est aujourd'hui devenu un endroit de rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui ne montrent rien à Annecy, mais qui se disent « je veux être à Annecy pour parler, pour rencontrer, pour voir quelles sont les tendances ». Il y a des gens qui ne voient rien à Annecy, c'est un paradoxe. Il y a beaucoup de gens qui vont à Annecy et qui ne voient rien, je vois à quoi vous faites référence, on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout état de cause, je crois que la logique annécienne est tout à fait respectée, et que la diversité est toujours quelque chose de tout à fait essentiel. Sur cette attraction dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des gens maintenant qui viennent à Annecy parce qu'ils sont en recherche d'idées, parce qu'ils sont en recherche de projets, parce qu'ils sont dans une démarche prospective. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à Annecy, nous avons de moins en moins de mal à avoir tous les films, toutes les œuvres, puisqu'elles viennent à nous, pratiquement. Et puis, je dois vous avouer, parce que c'est mon péché mignon, qu'il y aura un certain nombre de surprises assez extraordinaires à Annecy cette année, dont je ne peux évidemment pas vous parler, car sinon, ce ne serait plus des surprises. Et qui montre bien que vraiment tout le monde a sa place à Annecy. Alors on parlait un petit peu vous évoquiez en filigrane la programmation, on a parlé de gloutonnerie tout à l'heure, vous avez parlé dans votre éditorial de faire perdre à Annecy ses poignées d'amour, qu'est-ce que oui. Ça veut dire ce régime? Non mais c'est une plaisanterie, non? Bien sûr qu'on le fera pas, mais Annecy ça dure 6 jours, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, encore 5 jours et demi en réalité, et il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais attendez, vous vous rendez compte, entre les films de panorama, la compétition, les rétrospectives, les conférences, le marché, les projections nocturnes, si on veut voir nos copains, etc., ça n'a pas de sens, il y a trop de choses. Et il y a 2 ans, j'avais fait cet exercice de voir en durée cumulée des programmes combien ça faisait. Et je me suis rendu compte que si on voulait regarder tous les programmes, à supposer qu'on puisse, puisqu'il y a des programmes qui passent simultanément et que ça continue toute la nuit, eh bien il y avait exactement 5 jours et demi de programmation. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus besoin de réserver un hôtel, plus besoin d'aller manger, plus le temps d'aller faire pipi, sauf éventuellement entre 2 séances. Il fallait, là, il y avait de quoi regarder des films du matin au soir et du soir au matin. Et du coup, les gens m'ont dit, mais attends, ça perd de sa lisibilité, il y a trop de choses, on a ce sentiment-là. Alors, chaque année, je me dis, bon, allez, je vais limiter un petit peu la voilure et on va passer moins de films, on va essayer de donner un peu plus de lisibilité aux événements, aux rétrospectives, aux rencontres. Bon, la réalité, c'est que, ah oui, puis ça, on va le faire, ah, puis ça, et puis ça, et puis ça, puis à la fin, ça donne ce qui fait aussi peut-être la richesse d'Annecy, cette profusion, un petit peu comme un magma en fusion qui fait blop, blop, blop, un petit peu partout, et ça fait toujours blop quelque part à Annecy, quoi. Donc, voilà. À chaque fois, je me dis, on va essayer de maigrir, à chaque fois, je le fais pas. Donc, dans mon éditorial, de manière amusante, j'ai dit que c'est comme tous les régimes, je le commencerai l'année prochaine. L'année prochaine, on verra. Très bien. Alors, les points forts du festival cette année, d'abord, c'est un regard sur l'animation canadienne. Mm-hmm. sous divers points de vue, à la fois oui. l'ONF, la Cinémathèque québécoise. Et oui, parce que c'est très très des choses plus indépendantes. C'est très difficile. Il y a une tradition à Annecy qui est de donner le mettre un éclairage sur un pays. Cette année, on a choisi le Canada, mais comment mettre en d'habitude, il y a quoi 6-7 programmes pour parler d'un pays. Ben, le Canada, 50 programmes ne suffiraient pas. Donc on s'est limité à 12-13. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire des arbitrages, d'essayer de trouver le juste équilibre pour donner un vrai reflet de ce qu'est l'animation canadienne aujourd'hui, mais aussi de ce qu'elle a été dans le passé, et même des faits un petit peu plus marginaux, parallèles, même s'ils sont tout aussi passionnants. Je pense évidemment à la rétrospective que nous donnons à la Cinémathèque québécoise. Il se trouve que la Cinémathèque québécoise a été pendant longtemps sous la direction de la charmante Louise Baudet, le conservateur mondial de l'animation. C'est au Québec qu'on essayait d'amonceler, de cumuler les œuvres majeures de cette cinématographie que toutes les autres cinémathèques dédaignaient. L'animation a toujours été la cinquième roue du carrosse pour ces grands hôtels de la cinématographie que sont les cinémathèques. Et donc, j'ai voulu porter un hommage très particulier à Louise Baudet et à ce travail de collecteur, de réceptacle de l'animation mondiale. Donc, deux programmes seront réservés à la Cinémathèque québécoise, pas pour passer des films québécois, mais pour montrer comment une cinémathèque a pu conserver les films d'animation, avec un regard très subjectif, mais très passionné aussi. Et puis, il y a l'ONF, et puis il y a l'animation indépendante, avec le Festival d'Ottawa, et puis il y aura Co Edman, et puis il y aura Frédéric Bach, et puis il y aura McLaren, et puis voilà. D'ailleurs, ça fait une belle collection de chefs-d'œuvre avec des films de Schonkmeyer. Ah, mais de tout le monde. Le Canada a une importance. Enfin, oui, bien sûr. C'est assez étonnant, enfin, le programme de la Cinémathèque québécoise. Et d'ailleurs, un paradoxe dans le cinéma d'animation canadien, c'est que les grands noms qui viennent à l'esprit, Frédéric Bach venait de France, McLaren d'Écosse, Driessen Kodman des Pays-Bas, Caroline Niv des États-Unis. Bien sûr. C'est quand même. Ça reflète bien quelque chose. Oui, mais bien sûr, mais je crois que l'ONF a eu une politique tout à fait passionnante qui consistait à donner la parole à des gens qui se sentaient mieux au Canada qu'ailleurs. C'est la même voie que celle d'Annecy, d'une certaine manière. Si vous n'avez pas la parole ailleurs, vous l'avez à Annecy. Et vraiment, tout le monde peut venir et même y montrer ses œuvres. C'est vrai que, comme directeur artistique, je suis un peu obligé de faire les choix, le tri, parce que sinon, ça s'arrête. Mais je crois que quand j'aurai terminé mon mandat ou mes mandats successifs, il y aura assez peu d'espace de l'animation que je n'aurais pas abordé et que je n'aurais pas exploré. Donc, quelque part, je suis très très fier de cette préservation de la diversité. Et alors, il y a quelque chose autour du film Ryan, primé l'année dernière. Oui. Alors pourquoi cette envie de faire quelque chose spécifiquement autour de Ryan ? Alors, si vous voulez, Ryan, c'est les effets de miroir. C'est le miroir qui reflète le miroir qui reflète le miroir. Ryan est déjà un film qui évoque la rencontre entre un créateur d'aujourd'hui, Chris Landress, avec quelqu'un qui a été un animateur dans le passé, qui s'appelle Ryan Larkin, et qui a abandonné, qui a sombré dans l'alcool, la drogue, et qui aujourd'hui est quelqu'un qui vit dans la misère la plus absolue et fait la manche dans la rue. Et grâce à la technologie, Chris Landress a reconstitué en 3D cette rencontre qui a eu lieu, en utilisant d'ailleurs la voix de Ryan Larkin. Donc c'est très très impressionnant, et ce film, partout où il est passé, a eu un énorme impact. Il a eu l'Oscar, fait partie de ces phénomènes comme Father and Daughter de Michael Dudok de Witt. Partout où il passe, il siphonne tous les prix. On ne peut pas regretter à cette occasion qu'il n'ait pas eu le Grand Prix à Annecy. Je n'ai pas regretté qu'il ait eu le Grand Prix ou qu'il ne l'ait pas eu. Il a eu le prix du jury, ou ouais. J'ai pu faire quelque chose comme ça, donc il fait partie des deux ou trois. Après, c'est la subjectivité du jury. Le jury a fait le bon choix l'année dernière, sans aucune espèce de doute, et là je suis très très clair là-dessus, parce que, pour une bonne raison, c'est qu'il n'appartient à personne d'autre de dire que c'est le bon choix, à personne d'autre qu'au jury. Donc le jury a pris la décision du jury, et donc c'est la bonne, puisque c'est celle qu'a pris le jury. En toute indépendance, je ne participe pas aux délibérations. Donc moi, il ne m'appartient pas de discuter ni une décision de justice, en règle générale, ni une décision de jury de façon tout à fait particulière. Mais officiellement, oui, mais néanmoins, de votre point de vue personnel, vous pouvez avoir des regrets. Vous savez quoi ? À titre personnel, je me suis fait une règle d'or de ne jamais avoir de regrets. dont je n'en ai pas là non plus. Voilà. Alors sur Ryan, c'est donc de l'animation qui parle de l'animation. C'est évidemment un film époustouflant dans son découpage et sa mise en scène, dans son esthétique et dans l'utilisation très avancée de la 3D. C'est absolument phénoménal. Je voulais parler du Canada. Chris Landreth est un animateur canadien qui fera partie du jury, bien évidemment. Tout ça, c'est une galaxie de choses. Et puis c'est vrai que l'ONF a tourné un film qui s'appelle Alter Ego, qui raconte le making-of et qui donc raconte la rencontre avec Ryan Larkin. Et puis, au total, au final, je me suis dit une chose tout à fait stupide, c'est qu'à titre personnel, je n'avais jamais vu de film de Ryan Larkin et que j'apprenais même l'existence le fait qu'il soit encore parmi nous par ce film. Donc, ça, c'est également l'occasion de montrer Ryan Larkin à l'œuvre, les œuvres de Ryan Larkin. Je pense que vous n'êtes pas le seul, et à mon avis, très très peu de gens ont vu les films mais absolument, de Ryan Larkin. Absolument. Moi, quand on parle de quelqu'un comme ça en me disant c'est un grand génie, je dis ah bon ? Mais où est-ce que je peux voir ces films ? Eh ben nulle part. Ok, pas de problème. Venez à Annecy l'année prochaine, ils seront là. C'est simple. Alors, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a une exposition autour de Goldman aussi, qui est toujours autour du Canada, ça, présentation, enfin, avec Paul Driessen, de livres, de DVD, etc. Beaucoup de choses autour du Canada. On parlera de Norstein aussi, qui a travaillé avec les Canadiens aussi. Oui, effectivement. On parlera de Norstein, avec effectivement l'occasion de revoir ses classiques éternels, le programme du Comte des Contes, donc avec le hérisson, la figurine et tout ça. Voilà. Ça, c'est toujours magnifique, un grand plaisir. Un programme brésilien aussi, ça, c'est plus. Oui, un programme brésilien, c'est un clin d'œil à l'année du Brésil. On nous a demandé beaucoup de gens nous ont dit ah ouais, le Brésil serait vraiment formidable d'aller visiter cette cinématographie d'animation. Et puis on y est allé, on a trouvé des choses intéressantes, rien de vraiment tout à fait crucial. Donc du coup, on a décidé de faire un petit programme d'une heure et demie autour de ce qui nous a semblé être les grandes tendances du cinéma brésilien, un cinéma très épicurien, très tourné vers le rythme, vers la danse, vers la séduction, vers le sexe parfois. Donc on a appelé ça Brazilian Charms et ça passera un petit peu tard dans la nuit, puisqu'il y a certains films qu'il ne faut pas mettre devant tous les yeux, mais globalement un Brésil exotique, pas un Brésil de pacotille, un Brésil très sincère, je crois, mais un Brésil aussi, c'est vrai, dont l'animation est encore balbutiante, même s'il y a des écoles, même s'il y a des festivals là-bas formidables, c'est quand même une animation de résistance, de lutte. Il n'y a pas cette richesse et cette profusion qu'on retrouve dans d'autres pays. Si ce n'est qu'en Amérique latine, effectivement, ils ont quand même une position dominante. Ils ont une position dominante par rapport à l'Amérique latine, mais voilà, quoi, au pays des aveugles, les borgnes sont rois.